Salut à tous, bienvenue, c'est la première de l'émission Auto Hebdo. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver, voilà, notre nouveau studio est là, il est prêt, c'est la première de l'émission, c'est votre nouvelle émission, justement, sur Auto Hebdo. On va être là tous les lundis à partir de 19h pour décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé dans le week-end, dans les sports mécaniques à travers le monde. À mes côtés aujourd'hui, on retrouve Mathieu Chambenois. Comment vas-tu Mathieu ? Ça va très bien Michael, et toi ? Ça va très bien. Une journée de première, ça va très bien. Je suis ravi justement de lancer cette émission. Ça va être, à mon avis, très intéressant. C'est beau comme tout. Cyprien Jouyard est avec nous aussi. Comment va-t-il ? Bah comme vous, très bien. Évidemment, en effet, jour de première. Donc on est très content d'être là et on espère faire une émission qui plaira à nos lecteurs qui sont désormais nos viewers. C'est ça, vous êtes nos viewers, ça c'est beau ça quand même. Oui, un petit accent belge, c'est important. Il faut que les gens comprennent où on est. Non, évitez. Donc, si, à un moment donné, quand on sera à la 200e de l'émission, il y aura forcément eu des... C'est le podium de Barry Balthus en Moto 2, ça qui te... Exceptionnel, à ça de gagner Barry Balthus, fabuleux. On n'en parlera pas trop de Barry Balthus, désolé, mais on évoquera notamment ce qui s'est passé en MotoGP. Au sommaire de cette émission, la question hebdo que vous pourrez également retrouver sur le site à partir de 20h, on parlera d'Alpine. Est-ce que Alpine, eh bien, vous avez confiance en l'équipe française pour la saison 2026? On aura également un reportage de Cyprien qui était ce week-end au karting marathon Jules Bianchi au Paul Ricard, c'était sympa quand même. Très très sympa, fatigant mais très sympa. On parlera aussi de rallye, évidemment la victoire de Sébastien Ogier ce week-end au Chili, il est désormais en tête du championnat du monde, une 9e couronne peut-être qui s'annonce pour le pilote français, les résultats également du week-end. On retrouvera Fabien Gérard qui nous parlera notamment DTM et supercar australien. Vous verrez, vous aurez sans doute plein de questions sur le supercar australien. Et on aura les tops et les flops, évidemment, pour terminer cette émission. Après, je dis évidemment, ça n'a rien d'évident puisque c'est la première. Il faut aussi qu'on vous montre un petit peu les bases de comment tout cela va se passer. On va donc se lancer dans la petite question hebdo qu'on vous posera également sur autohebdo.fr. On a choisi donc de parler d'Alpine pour la question hebdo de cette semaine, puisqu'il y aura un dossier qui sera consacré d'ailleurs dans Auto Hebdo. Puisque bon... La saison 2025 d'Alpine, on va pas se le cacher, ils sont derniers du championnat, ça ne va pas aller bien mieux. Maintenant, est-ce qu'on a des raisons de croire ou non au projet Alpine à partir de 2026 avec le moteur Mercedes et la nouvelle réglementation ? Cyprien, je te donne la parole en premier, oui ou non ? On a des... Je vais te faire une réponse tiède. Ah, c'est pas déjà. Possible, il refait une réponse de Normand. C'est incroyable. Réponse de Normand, Alpine écurie normande ? Oui, Pierre Gasly, pilote normand, disons. Voilà. Ça passera mieux. C'est une marque de Dieppe, en tout cas. Non, mais enfin, on peut croire dans le projet Alpine. Il y a des raisons de croire qu'en tout cas, il y aura du mieux par rapport à cette année. De toute façon, ça peut globalement pas être pire. Maintenant, moi, j'ai un peu des doutes par rapport aux ambitions qu'ils affichent. On entendait Pierre Gasly, il y a quelques semaines encore, dire « Je pense pouvoir... Enfin, je vais me battre pour le titre l'an prochain. Mm-hmm. On va se battre pour des podiums, on va se battre pour des victoires. » Le problème avec Alpine, c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup. Je sais pas si vous connaissez, mais ouais, c'est... Le loup étant Alpine. Je veux absolument savoir où il va aller avec cette idée. Bah, Pierre et le loup, c'est Pierre qui fait la blague dans son village en disant que le loup est là, et puis le jour où le loup est vraiment là, bah, les gens ne le croient pas. Et Alpine, c'est un peu ça. C'est qu'à force de nous dire que l'année prochaine, ça va être bien, que l'année prochaine, ils vont se battre pour des podiums, ça fait quand même 5 ans maintenant qu'on entend ça, depuis le retour d'Alpine en F1, enfin l'arrivée d'Alpine à la place de Renault, et déjà quand c'était Renault, on entendait déjà un peu ces discours-là. Donc on a un peu du mal à y croire, parce qu'on n'a pour le moment pas vu ça. Si vous revenez en 2022, Alpine se battait pour la 4e place du championnat avec McLaren. On voit où les deux équipes en sont 3 ans plus tard, ça fait mal. On a McLaren qui est premier et qui va remporter son deuxième titre constructeur de suite et son premier titre pilote depuis 2008. Alpine, pendant ce temps, qui sont derniers du championnat. Ce qui peut les sauver, en effet, c'est cette nouvelle réglementation. Je pense qu'en effet, ils font partie des équipes qui ont vraiment lâché 2025 le plus tôt, voire même avant le début de la saison, pour vraiment se concentrer tout de suite sur 2026. Maintenant, on sait aussi que toutes les autres équipes le disent, toutes les autres équipes sont concentrées. Sur 2026, et il y a finalement très peu d'équipes qui disent pas qu'elles vont se battre pour le titre l'an prochain. Alors en l'occurrence, Pierre Gasly qui a apporté des informations par rapport à ça, et notamment au développement de la voiture de l'année prochaine. Effectivement, Alpine qui a lâché définitivement le développement 2025 en mars-avril. En tout cas, les dernières pièces ont été apportées au printemps. À Barcelone. À Barcelone, c'est ce qu'il expliquait lui du côté de Monza, notamment évidemment lié à sa prolongation, parce qu'il a prolongé jusqu'en 2028, ce qui est quand même une prolongation qui n'est pas anodine. C'est pas seulement un ou deux ans supplémentaires, c'est vraiment un projet moyen terme, long terme. C'est un signe quand même, voilà. Peut-être aussi de confiance cas, qu'il apporte. C'est ça, de confiance de sa part. La véritable évolution, ça va être du côté du moteur Mercedes, donc effectivement pour Alpine l'année prochaine, qui est prédit pour l'instant, selon les bruits du paddock, comme étant le plus efficace, le plus performant. Encore une fois, les informations vont peut-être fluctuer d'ici le début de saison, mais en tout cas, ça a l'air d'être véritablement le point fort d'Alpine pour l'année prochaine. Et puis, la question se posera aussi, évidemment, de la performance de l'équipe. J'imagine qu'on va en parler, mais aussi, évidemment, de l'équipage, du deuxième pilote Alpine qui va potentiellement arriver ou rester dans cette équipe. Mais c'est vrai que beaucoup de points d'interrogation, mis à part de l'espoir et des on-dit et justement des motifs d'espérer pour après, mais on n'a pas vraiment de faits patents aujourd'hui qui nous permettent de dire, oui, effectivement, Alpine va performer, oui, effectivement, Alpine va remonter dans cette hiérarchie. Oui, surtout que moi, j'ai un peu de mal avec cet argument du moteur, en fait, parce que Flavio Briatore a eu des propos ces derniers jours assez durs envers le moteur Renault, en disant si on est en retard, c'est à cause du moteur Renault. Bon, je pense que déjà, ça n'a pas dû très bien passer à Viry-Châtillon. Je pense que le moteur Renault, en effet, est le moins performant actuellement. Maintenant, il n'y a pas que ça sur la voiture qui ne fonctionne pas quand même. Non, mais 2026 mettra l'accent sur le moteur. Oui, 2026 mettra l'accent sur le moteur, mais enfin Alpine ne sera pas la seule équipe à avoir un moteur Mercedes. Non, bien sûr, mais donc, rappelle-toi de 2014, Williams a fait quand même troisième du championnat oui. Grâce au moteur Mercedes en grande partie. Ça nous donne quand même un petit peu l'impression que toutes les équipes qui sont équipées d'un moteur Mercedes, c'est là où je te rejoins Cyprien, l'année prochaine ont des ambitions énormes. Williams a des ambitions énormes, Mercedes évidemment, Alpine aussi. McLaren. McLaren, même si on en entend un petit peu moins parler parce qu'ils sont concentrés, c'est peut-être les seuls sur l'année en cours. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, oui, ce moteur Mercedes, on a un petit peu l'impression qu'il sera le point le plus important de la saison prochaine. Mais bien sûr, n'oublions pas qu'il y a un châssis autour. C'est aussi ce que disait Pierre Gasly d'ailleurs, quant au fait qu'ils avaient aussi beaucoup appris sur le châssis et sur les erreurs qu'ils avaient potentiellement commises. Donc, évidemment, sur le papier, on a envie de le croire, on a envie de lui dire, bah, évidemment, formidable, et on a hâte de voir l'année prochaine. Mais encore une fois, on a hâte de voir l'année prochaine si, factuellement parlant, eh bien, le Français a raison. Oui, puis chez Alpine, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a David Sanchez qui est arrivé. David Sanchez, qui est un ancien de Ferrari, qui est le directeur technique maintenant, qui a beaucoup d'expérience, qui connaît très bien l'aéro, c'est son domaine de prédilection. Donc ça peut aussi ouvrir certaines portes, ça peut laisser un peu d'espoir. Après, le vrai problème pour moi chez Alpine aussi, c'est un problème structurel, enfin organisationnel. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de turnover ces dernières années. On a eu quand même, si on revient un peu en arrière, on a eu Alan Perman, on a eu Laurent Rossi, Bruno Famin, Otmar Szafnauer. David Brivio, Pat Fry. Il y a eu un paquet de personnes qui sont parties d'Alpine à différents postes, pour différentes raisons aussi. On a un peu des fois l'impression que le board de Renault, ce n'est pas vraiment où il veut aller. La bonne nouvelle aussi, c'est que le board de Renault a changé. C'est plus Luca De Meo qui est parti en juillet. François Provost, son successeur, a l'air de vraiment vouloir aussi garder Alpine en Formule 1. Il l'a confirmé. C'est une bonne nouvelle. Il l'a confirmé. Il l'a reconfirmé. Il l'avait dit dès sa première prise de parole. Il l'a redit dans le paddock de Monza, nos confrères de Canal+. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce que ça veut dire que là, ils peuvent vraiment bâtir un projet long terme et que nous, médias et puis observateurs, on ne va pas avoir aussi ces pensées un peu parasites de se dire oui, bon bah là, Alpine. Ils vont tranquillement se désengager pour revendre l'équipe. Non, là, on sait qu'ils veulent vraiment s'engager. Donc maintenant, on attend des résultats. Il faut les montrer. Et l'autre sujet, c'est est-ce que ces résultats peuvent être faits avec Flavio Briatore à la tête de l'équipe ? Oui. Moi, je sais que c'est un avis qui est vu bizarrement par la communauté. Mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, je continue de penser que la meilleure carte qu'ils ont chez Alpine, c'est que Flavio Briatore est revenu. Je suis pas d'accord avec toi. Mais personne n'est d'accord avec moi. C'est vrai que le fait est qu'il a toujours construit des projets court terme qui fonctionnaient. De là à dire que ça va fonctionner encore une énième fois, je ne sais pas. De là à dire également que c'est la meilleure carte qu'il possède. Là, je mettrai Pierre Gasly est peut-être la meilleure carte, tu reconnais. Oui, après Pierre Gasly, voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est une excellente carte, mais enfin Pierre Gasly ne peut rien faire dans une charrette dans tous les cas. Non, mais bien sûr. Comme Max Verstappen ne pourrait rien faire. Donc pour moi, la meilleure carte d'Alpine, ça va plutôt être. David Sanchez. Oui, tu parlais de David Sanchez. Je pense que pour moi, Flavio Briatore, c'est un homme du passé. C'est un homme du passé. On ne peut pas remettre en question ses résultats, on peut remettre en question ses méthodes, on connaît son passif, mais on parle quand même de quelqu'un qui a gagné des titres il y a 20 ans. Oui. Donc là, la Formule 1 a quand même énormément évolué. Mais moi, je rappelle qu'il y a 20 ans, pour gagner des titres, il fallait placer les bonnes personnes aux bons endroits. Et qu'aujourd'hui, pour gagner des titres, il faut placer les bonnes personnes aux bons endroits. Oui, moi, je pense que la recette ne change jamais. Non, mais ça, c'est facile à dire, placer les bonnes personnes aux bons endroits. Mais les équipes ne font pas la même taille non plus. Maintenant, il y a deux fois plus de salariés qu'à l'époque. Je pense sincèrement que quand tu arrives à avoir ce leadership contestable dans ses manières, je peux tout à fait le concevoir, et c'est tout à fait vrai, mais qui a eu des résultats par le passé, il n'y a pas de raison que ça change énormément. La Formule 1 a énormément changé, et pourtant c'est toujours Adrian Newey qui fait les meilleures monoplaces. Ça fait 35 ans qu'il le fait. On en reparle l'an prochain. Mais peut-être que ce sera une nouvelle fois. Certainement. Mais après, il y a aussi, sur Flavio Briatore, une autre question plus personnelle, en l'occurrence, c'est est-ce qu'il est en état de diriger une équipe ? Il a quand même eu des problèmes de santé assez importants. Il a 70 ans passé, il a eu des problèmes au cœur notamment. Je ne pense pas non plus que ce soit une très bonne idée d'avoir un homme dans cet état physique, pour lui, hein, une très bonne idée pour lui surtout, un poste avec autant de responsabilités. Je pense que physiquement, il n'en est peut-être même pas vraiment capable. En tout cas, pas comme il l'était à l'époque, ça c'est sûr. Alors la vérité, c'est que de mon côté, je pense que la meilleure arme d'Alpine, pour rebondir sur ce que tu disais, ça va être sans doute la stabilité. Parce que tu parlais de l'instabilité tout à l'heure de l'équipe depuis des années, la stabilité au niveau organisationnel, la stabilité aussi au niveau des équipes. Tu parlais de l'aéro, on parle évidemment du châssis, on parle du moteur, bien sûr, même si maintenant ce sera Mercedes. Mais aussi, je pense qu'on va en parler, mais moi je pense aux pilotes. Parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de changements. C'est très bien d'avoir prolongé Pierre Gasly, c'est une très bonne nouvelle pour Alpine, même si cela va de soi, de s'assurer Pierre Gasly jusqu'en 2028, en tout cas, ouais. De s'assurer Pierre Gasly à moyen terme. Ça envoie un bon signal, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du deuxième pilote, il y a évidemment. Là, il y a débat. Matière à débat. Je serais ouvert à l'idée qu'il garde un Franco Colapinto, du moins pour 2026, qui pour l'instant. A eu des, comment dirais-je, des situations, des hauts et des bas. Non, plutôt une arrivée en Formule 1 avec Williams qui a été compliquée parce qu'il a été jeté dans la voiture après le départ de Sargeant, une arrivée chez Alpine qui a été compliquée puisqu'il a été jeté dans la voiture au départ de Doohan. Et en fait, quand on regarde un petit peu, quand on lui laisse le temps, là en l'occurrence il a fait effectivement une 11e position très récemment lors de la dernière occurrence. Donc moi je pense que Franco Colapinto n'est pas un pilote qui est à jeter, et surtout Alpine aurait à mon avis tout intérêt à conserver une forme de stabilité dans son équipe, et notamment au niveau des pilotes, quitte à éventuellement ensuite changer de plan pour l'avenir, pourquoi pas pour 2027. Je mets un bémol, entre guillemets, en tout cas je suis pas trop d'accord. Pour moi, ils ont la stabilité avec Gasly, et aujourd'hui, certes, McLaren prouve que quand on a deux très bons pilotes, évidemment on domine le championnat, mais Alpine, l'équipe en elle-même, on leur dit l'an prochain vous êtes champion constructeur ou champion pilote, ils choisissent pilote de toute façon, oui. Comme toutes les équipes, même si on sait que c'est un championnat constructeur, mais tout le monde préfère toujours le titre pilote. Donc, à la rigueur, qui est Pierre, Paul ou Jacques dans l'autre monoplace, Il y a déjà Pierre, mais justement, qui est Pierre, ou Pierre et Paul, ou Pierre et Jacques, ou un autre pilote, hein, parce que bon, des Paul et des Jacques, il n'y en a pas non plus tant que ça. Bah, Il y avait Jack Doohan, c'est vrai, ils auraient dû le garder. Ouais. Mais peu importe qui est à côté de Pierre Gasly, c'est sur lui qu'on va se reposer pour, de toute façon, marquer des points. Ah, je continue, mais il y a Paul Aron aussi, du coup. Ils ont vraiment Pierre, Paul, Jacques. Ils ont vraiment Pierre, Paul, Jacques, c'est terrible. Ils sont en train de les perdre un par un, c'est quand même abominable. Bah, peut-être que Paul Aron sera en 2026. Ce sera peut-être Pierre et Paul, du coup. C'est peut-être ça le problème de Franco Colapinto, il s'appelle Franco. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on ne dit pas Pierre, Paul, Franco. Non, mais oui, Mathieu, pour peut-être nous remettre un peu de. Pour nous remettre un peu de sérieux, je vais être un peu plus sérieux sur ce que disait Mathieu par rapport à Franco Colapinto. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il faille le prolonger, parce qu'en effet, à son crédit, je trouve que ses dernières sorties sont beaucoup plus positives. Voilà. Il y a du mieux, 11e place en effet à Monza, à Zandvoort, pardon. Oui. Enfin, en tout cas, voilà, à Monza, il bat Gasly en qualif. Il est mieux, mais je pense pas que tu puisses, quand t'ambitionnes, parce que c'est toujours pareil, si on écoute Alpine, ils ambitionnent l'an prochain de se battre pour des podiums et des victoires, et je pense pas que tu puisses le faire avec Franco Colapinto. Franco Colapinto, je suis persuadé que c'est un très bon pilote, en tout cas, c'est un très bon jeune pilote. Il a été lancé beaucoup trop tôt. On parle d'un pilote qui a été lancé au milieu de sa première saison de F2. C'est ça. Il était 7e ou 8e du championnat, ce qui est bien, mais pas exceptionnel. Il avait gagné un sprint qui était, l'occurrence, en très Autriche, fort, mais c'était du côté d'Imola. Ouais, en Autriche, il gagne la course principale, je crois. Il avait gagné le sprint. Et il est lancé alors qu'il n'écrasait pas le championnat. Ouais. Il n'était pas prêt. Il a été lancé parce que Sargeant, c'était vraiment plus possible. Donc, chez Williams, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu aussi des choses beaucoup moins bonnes. Il y a eu le Brésil, il y a eu Las Vegas où il y a eu des crashs un peu douteux. Là, il arrive chez Alpine. Bon, là, t'as dit qu'il avait été un peu lancé dans le grand bain quand Jack Doohan avait été viré. Je pense que depuis le début de la saison, il savait qu'il allait. Oui, mais ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas roulé. C'est-à-dire qu'il est revenu dans un contexte difficile. Moi, ce que je dis, c'est que je ne veux pas qu'Alpine devienne Red Bull dans cette politique de on mise tout sur un et finalement le modèle ensuite s'écroule si Pierre s'en va. Et donc, c'est plus ça qui me fait dire, ok, aujourd'hui tu enlèves Franco Colapinto, la première question c'est qui prends-tu ? Ça c'est vraiment déjà l'évidence, le nez au milieu de la figure si j'ose dire. Et ensuite, bah, effectivement, si tu as cette politique de « il n'est pas suffisamment performant, on se bat pour des championnats, on se bat pour des podiums », alors qu'on n'en a absolument aucune certitude à l'heure où on se parle, bah, en fait, on ne fait que changer et on applique la politique de Red Bull où on change de second pilote tous les 6 mois et où finalement, eh bien, la stabilité demeure et où le projet, l'édifice, tient sur un pilote. Bah après, là, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'en effet, il ne faut pas changer tous les ans ou tous les 6 mois, mais il faut d'abord que tu aies trouvé ton numéro 2 pour ça pas le changer. Et je ne suis pas persuadé que Franco Colapinto soit le numéro 2 qui se faille ou le numéro 1 bis. En effet, on ne peut pas se reposer sur un pilote, surtout que Pierre Gasly, ça reste un super pilote, avec tout le respect que j'ai pour lui, ce n'est pas Max Verstappen non plus. Max Verstappen, il est au-dessus du lot, il est au-dessus de tous les autres sur la grille en ce moment, donc Red Bull a fait ce choix-là, Alpine ne peut pas le faire. Pour moi, la bonne solution pour Alpine, ce serait d'aller chercher Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, il va certainement partir de chez Red Bull. On a vu toutes ses qualités pendant 4 ans chez AlphaTauri, chez Racing Bulls. Chez Red Bull, évidemment, c'est compliqué. On sait, on connaît le contexte, etc. On ne va pas revenir dessus. Tsunoda-Gasly, ça a été un duo qui a très bien fonctionné ensemble. Ils se connaissent bien, ils sont amis. Je pense qu'il n'y aura pas du coup de rivalité, d'ego, enfin, une rivalité sportive, mais pas de guerre d'ego. On prend un pilote qui du coup sera à sa 5 ou 6e saison en F1, qui a de l'expérience, qui peut aider à développer une voiture, et là pour moi t'as ton duo que tu peux garder en effet 2, 3, 4 ans s'il faut, voilà, et qui peut pour le coup jouer des podiums, des victoires avec Gasly en numéro 1 et Tsunoda en solide numéro 2. Okay. Comme quoi, il y a des choses à dire hein, sur ce projet Alpine. On espère que vous en aurez également. Hein, à partir de 20h sur autohebdo.fr, les questions hebdo. Mettez aussi en commentaire de la vidéo. Hein, nous, on va de toute façon tout lire et avoir votre avis là-dessus. C'est ce qui nous intéresse, bien sûr, énormément. On va passer de la Formule 1 au karting, mais rassurez-vous, il va rester un petit élément de Formule 1 tout de même, puisque Cyprien était ce week-end au karting marathon Jules Bianchi du côté du Paul Ricard. Et donc, je vous propose de voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous en a ramené. h 19 et 50 secondes, c'est sur un format unique que se court le karting marathon Jules Bianchi. 35 équipages étaient présents au départ pour la 10e édition qui a démarré vendredi dernier à 19h41. Ils se sont élancés pour 2 jours et 2 nuits d'épreuves où chacun s'est occupé comme il le pouvait. Quand certains étaient en piste, d'autres profitaient du traiteur, buvaient un coup, jouaient à des jeux ou allaient dormir. Les plus assidus, eux, ne décollaient pas un œil de l'écran du live timing pour suivre l'avancée de leur carte. Parmi ces 35 équipages, il y en avait un composé des VIP, des célébrités venues participer au marathon et qui ont pris beaucoup de plaisir en piste. C'est la première fois de ma vie que j'en fais. Et j'ai commencé vendredi après-midi, avec toi d'ailleurs. Tu étais sur la piste, on était sur la même piste. J'ai pas pris le premier virage en fait, j'ai fait un tout droit d'abord. Et puis là, bah, au fur et à mesure, j'ai dû tourner 7 heures je crois. Et donc, je commence à faire des scores. Pour moi, super. Voilà. Non, franchement, c'était super. C'est une sacrée expérience. Franchement, c'est très bon enfant. C'est très sympa. Bon. Ah bah, c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi joyeux. C'est toujours aussi bien organisé. Je pense que ça s'améliore. Depuis l'an dernier, il y a eu des améliorations sur le côté technique et tout ça. Là où ça a pêché un peu, mais c'est pour nous, c'est indépendant de la volonté de l'organisation, c'est qu'ils ont couru à 3. On était 3, mais on était très heureux. Et après, on a été 5, puis 7. Et voilà, on est très contents d'être là. Comme ils n'étaient pas assez nombreux, les VIP ont recruté à tour de bras des éléments d'élite, les meilleurs de tous, parmi lesquels moi-même. Une expérience guidée par la capitaine Catherine Davidzenka, sacrément exigeante. C'est pas que je voulais finir haut, c'est qu'on m'a nommé capitaine. Donc je me suis dit que s'il y avait bien une personne qui n'avait pas le droit de perdre le moral, c'était moi. Donc quelle que soit l'issue, il fallait que je pousse tout le monde à donner de notre mieux. Et voilà. Et s'il n'y avait pas eu cet accident cette nuit, qui sait, on aurait peut-être fini beaucoup premier. Mieux. Quoi. Premier peut-être pas, mais soyons réalistes. Le streamer Hydro était lui aux manettes de la stratégie, du jour comme de nuit, restant éveillé pendant près de 48 heures de suite. Sacrée performance. Je roule pas ce week-end malheureusement au marathon de karting Jules Bianchi parce que je suis trop grand et que la combinaison n'est pas à ma taille et puis même dans le karting c'est compliqué. Mais j'occupe un poste essentiel dans l'équipe des VIP. Je fais la stratégie et je m'occupe du bon déroulé des pit stops, de la gestion des cartes, voilà, le programme, la stratégie. Bref, je suis sur l'ordi tout le week-end et ça se passe bien là franchement. Il n'y a pas de nuit ici, on ne dort pas. Non, on ne dort pas parce que bah, on fait les stratégies, la course est longue, enfin longue, elle est bientôt finie. Mais ça a été long, périlleux, parce que la nuit, les gens, entre la fatigue, entre le fait que la course avance, les enjeux, ça se bat un peu plus. Mais bon, ça va, on s'en sort. Là, il me reste encore 4 relais, et puis on arrivera au drapeau à damier de cette belle édition. Et à l'arrivée des 42 heures, c'est le kart numéro 71 qui a gagné, tandis que les VIP ont terminé bien loin, à la 34e place sur 35. Mais l'essentiel était ailleurs. C'est un superbe hommage qui a été rendu à Jules Bianchi, 10 ans déjà après sa disparition. C'était, comme prévu, joyeux, convivial, amical, dur physiquement, parce que 42 heures de karting, c'est pas rien. Quand on me demande en fait de participer à des événements comme ça, je suis toujours... un peu embêté que les gens me disent « Ah, merci d'être là pour... » Mais en fait, merci de quoi ? Moi, on vient, on me propose de faire ma passion, le karting en fait partie, et en plus, c'est pour la bonne cause. Évidemment que je suis là, ne me remerciez pas. Moi, je vous remercie d'organiser des choses pareilles. Moi, je vous remercie de faire vivre la mémoire de Jules 10 ans après. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais je trouve ça fantastique qu'une famille transforme son deuil... en une association pour aider des personnes atteintes de lésions cérébrales et de récolter des fonds à travers des événements pareils. On pourrait vivre son deuil de manière complètement égoïste et non, ils le font en aidant les autres. Je trouve ça tellement admirable. J'aimerais tellement être comme ça et avoir cette force-là. Voilà, donc c'est assez émouvant d'ailleurs en fin de week-end de se rappeler pourquoi on est là. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est de pouvoir réussir à mettre en place un trophée comme ça pour Jules. Et ce marathon, maintenant, ça devient un événement suivi par les kartman, par les célébrités de tout bord, quoi, disons. Et on arrive à avoir, comme aujourd'hui, une vraie effervescence et un hommage à Jules. Et à beaucoup d'émotions, évidemment, mais en même temps de joie. Je parlais tout à l'heure avec Philippe. Il est heureux de voir qu'il y a toujours un engouement après 10 ans. Sur Jules et ça, le plus important, c'est jamais oublier et le souvenir et le respect d'un pilote. C'est un honneur et c'est un plaisir de soutenir cette association et d'être là aujourd'hui pour honorer Jules et voir cette fantastique ambiance à l'arrivée. Voilà, on ne s'attend pas à ça après 42 heures de course et tout, donc c'est vraiment génial et très honoré d'être là. C'est vraiment... une édition magnifique avec beaucoup de monde, très populaire, avec un public super, des participants super. J'essaye de pas trop regarder les photos de Jules parce qu'il y en a beaucoup partout, mais c'est assez émouvant et je sais qu'il est là, il est là, il est autour de nous. Pour les équipages comme pour les pilotes, cette 10e édition était une franche réussite et le rendez-vous est déjà pris pour la 11e en 2026. Et donc, Cyprien, effectivement, rendez-vous l'année prochaine, on va le souhaiter, bien sûr, pour ce marathon karting Jules Bianchi, toi qui étais donc sur place. C'était une belle expérience, quand même, j'ai l'impression. Ouais, très belle expérience, un moment fort aussi en émotion. Forcément, on vit quand même ce week-end avec une famille qui a perdu un fils très jeune. Bien sûr. C'est franchement des gens formidables. La famille Bianchi, ils se sont énormément investis pour organiser ça, avec Franck Lagorce aussi. Donc non, c'était un très très bon moment, puis j'ai eu la chance de rouler avec des personnalités, c'était toujours sympa, on a passé un week-end assez sympa, et voilà, puis vous pouvez aussi découvrir ça dans le magazine cette semaine. Et l'hommage à Jules Bianchi, on tient à vous le rappeler évidemment, vous pouvez toujours retrouver sur le lien en description le collecteur Jules Bianchi qu'on a sorti justement à l'occasion des 10 ans de la mort de Jules, et on salue encore une fois Philippe et toute la famille qui continue de perpétuer la mémoire de Jules encore 10 ans après, et ça c'est extrêmement important. Et je voudrais quand même ajouter une note un peu plus légère à tout ça. J'ai une petite anecdote sur le collector. Donc, je faisais une interview de Stéphane Hénon, qui est un acteur de Plus belle la vie. Lui découvrait le karting et qui a beaucoup aimé d'ailleurs. Et donc, on était avec Stéphane et une femme s'est approchée avec le collector Bianchi qui est juste là pour le faire signer. Et donc, je pensais qu'elle voulait le faire signer à Stéphane. Évidemment, il l'avait déjà fait signer à beaucoup de monde. Puis elle me dit « Non, c'est vous ». Je dis comment ça moi ? Quelle star ! Voilà. Donc j'ai signé mon premier autographe mais sur la couverture du collecteur Bianchi. Si je puis me permettre. Pas du tout. Bon. Elle m'appelait Monsieur Auto Hebdo. Eh ben écoute. J'avais mon petit polo Auto Hebdo, c'est pour on ça. On va regarder évidemment sur le bon coin s'il n'y a pas un collecteur signé par Monsieur Auto Hebdo. Bah écoutez, je l'ai recroisé plus tard, elle était en train de le faire signer par Jean Alési. Donc je peux quand même dire que j'ai ma signature à côté de celle de Jean Alési quelque part. Et c'était mon premier autographe, donc j'en suis quand même pas peu fier. Si cette dame nous regarde, je vous remercie. Vous avez flatté mon ego, c'était très agréable comme moment. On salue en tout cas première émission, hein, évidemment, sur Auto Hebdo. Et vous imaginez déjà qu'il y a des égos hein, dans cette équipe, visiblement. T'as pas parlé du tien encore. Oh bah ça, les gens le découvriront bien assez tôt, vous en faites pas. On va parler d'autre chose, pas de mon ego, rassurez-vous, on va parler WRC maintenant, c'est parti. Sébastien Ogier qui s'impose donc au rallye du Chili et qui prend la tête du championnat du monde des rallyes. Bon, on est sûr, il va terminer la saison. De toute façon, Sébastien Ogier, oui. Maintenant, voilà, il est garanti qu'il va vouloir aller chercher ce 9e titre. Mathieu, tu as suivi de très près, justement, ce rallye. C'est toi qui t'occupais notamment du live text sur autohebdo.fr. Donc déjà, merci. Eh bien, avec plaisir. Merci pour les travaux, comme on dit. Hein, comme disait. J'espère que vous avez apprécié, en l'occurrence, parce que c'est quand même ce qui compte. Qu'il est modeste. Voilà, qu'il est modeste. Non, c'est important de dire que. Encore une fois, c'est une émission d'ego. Voilà, c'est important. Oui, il faut le rappeler. Mais Mathieu, bon, Sébastien Ogier qui a encore une fois été fabuleux. On rappelle qu'il gagne le rallye, qu'il gagne le Super Sunday et qu'il gagne la Power Stage. Il fait le week-end parfait, en fait. Le week-end parfait, alors même qu'il n'avait pas si bien débuté, paradoxalement. Mmh. Sébastien Ogier qui a commencé, voilà, qui a eu une performance exponentielle, si on peut dire. Il a mal commencé les matinées. Lui-même disait qu'il n'était pas suffisamment réveillé. Il disait, il faut que je me réveille. Quand il était dans la voiture interviewé à la fin des spéciales. Non, ça a été un week-end formidable de sa part. Il est monté en puissance. Il a été plus en retrait le vendredi. Il a été encore un petit peu discret le samedi matin. Et puis, à partir du samedi après-midi, là, ça a été formidable. Il a gagné au total 7 spéciales sur les 16 du week-end. Il a remporté effectivement le rallye. Il a remporté, comme tu l'as dit, le Super Sunday. Il a été en tête de la Power Stage pour 4 dixièmes alors qu'il était le dernier à passer devant Thierry Neuville. Il nous a donc offert un moment épique justement sur cette diffusion. Donc c'était vraiment un week-end formidable de la part du Français. Je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux, il pouvait davantage creuser l'écart. À noter quand même la belle adversité quand même opposée par Elfyn Evans, ouais. Qui a été donc deuxième de ce rallye du Chili en l'occurrence. Le Gallois qui a été solide dans la mesure où souvent il arrive à rivaliser. Mais souvent il s'écroule un petit peu tôt dans les week-ends, en tout cas c'est ce qu'on note depuis le début, mais là il a été vraiment solide, constant, et il a opposé une bonne résistance, et jusqu'au samedi, même jusqu'au dimanche, on pouvait se dire que c'était encore possible. Après évidemment quand Sébastien Ogier a accéléré, c'était fait, mais il y a eu un vrai doute, comme quoi Evans pouvait potentiellement le faire. En plus Evans, c'est vrai qu'il avait une première partie de saison très très bonne, il était en tête, il avait eu 50 points d'avance quasiment, il me semble, à un moment. Puis après c'est vrai qu'il a eu un vrai creux dans la saison, et là il revient bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Toyota, parce que Toyota comme ça a plus de cartouches. De toute façon, Toyota va gagner le titre, hein. Je pense que là c'est assez là c'est fait, c'est pas garanti, mais c'est pas loin d'être fait, en tout cas c'est, voilà, c'est pas loin d'être fait. Ils gagneront le titre constructeur, ça au moins celui-là on peut leur donner, c'est quasiment gagné. Il y avait peu de doutes quand même quand on voyait déjà le début de saison où ils ont gagné tous les rallyes, exception faite, je sais plus lequel Tanak gagne, mais enfin Tanak en gagne un. Non, mais après le système de points fait que c'est tellement difficile de prendre de l'avance. Bah en fait c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait même à ce moment-là ils gagnaient tous les rallyes, mais ils avaient pas tant d'avance que ça. C'est ça. Alors que Hyundai en avait gagné qu'un seul. En réalité le seul moyen de creuser son avance, c'est ce qu'a fait Sébastien Ogier ce week-end, c'est-à-dire vraiment tout remporter, mais ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. C'est ça. Ouais, donc faut profiter aussi des bévues de tes adversaires et de la malchance de tes adversaires, parce que là ils profitent aussi de l'abandon d'Ott Tanak. Il y avait eu les affaires de crevaison au Paraguay aussi, qui avaient fait perdre beaucoup de temps à plusieurs favoris. Oui, parce qu'il faut rappeler effectivement que Ott Tanak a un problème moteur le vendredi, ce qui l'oblige à ne pas concourir le samedi. Évidemment, il donne tout sur le dimanche, mais avec un moteur dont il n'était pas certain de la fiabilité. C'est sûr. Au final, il a fonctionné le dimanche, mais ça lui a rapporté un point seulement. Et puis, Cal Rovanperä, qui lui, de son côté, a eu une crevaison justement provoquée par une erreur de sa part, le Finlandais, mais qui était à 11 km de l'arrivée d'une spéciale le vendredi. Donc, il a perdu plus d'une minute dès la première journée, donc évidemment, c'est notamment pour ça, et on saluerait aussi le fait que Adrien Fourmeau était en tête le vendredi soir. Mais voilà, j'allais en parler, Adrien Fourmeau. Pour la première fois. Alors déjà, sachez que désormais, parce que Adrien Fourmeau, pilote d'exception, hein, mais tweetos encore plus d'exception. Adrien Fourmeau, déjà appelez-le Adrien Fourmeau, s'il vous plaît. puisqu'il a repris un tweet qui avait été fait avec une autocorrection. Il a donc changé son nom sur Twitter. Mais moi, c'est ce que je trouve formidable. Podium, déjà, d'Adrien Formeau, ça fait plaisir, parce qu'il a eu quand même quelques rallyes assez galères. Et à côté de ça, enfin, c'est toujours un plaisir absolu que de lire ses rapports. Il a publié, d'ailleurs, puisqu'ils sont restés, en fait, entre le Paraguay et le Chili, ils sont restés. Mmh. Évidemment en Amérique du Sud, et donc il a posté une photo de lui au Machu Picchu, hein, ça y est, voilà, il l'a fait, et voilà, Machu Picchu, c'était beau comme tout. il faut avoir les refs, hein, évidemment, mais il les a en tout cas. Il avait son ticket en tout cas. il a bien fait le truc. Non, mais ça fait plaisir pour lui, comme tu dis, c'est un mec qui est assez simple finalement, Adrien Formeau, un excellent pilote aussi. Il a pas eu que des moments faciles avec Hyundai cette année, mais il a quand même montré de très belles choses. Il a eu aussi son lot de malchance. Puis bon, là, il sortait quand même d'un abandon forcé au Paraguay. Ouais. On rappelle qu'il a abandonné après l'arrivée, pendant la liaison, pour faire gagner une place à Tanak. Oui. Donc, c'était Tanak. Donc, bon, c'était un peu grotesque à voir. C'est pas ce qu'on aime voir dans le sport auto. Compréhensible. Moi, je dirais toujours compréhensible. Oui, moi, je suis quand même pas fan. On va pas relancer le débat qu'on a déjà eu entre nous sur les consignes d'équipe McLaren, tout ça. Bon, c'est un peu dans le même genre pour moi. C'est pas trop sportif de faire ça. Il est quatrième à la régulière, il est quatrième, voilà. Donc bon, c'est un peu dommage. Ils l'ont fait parce qu'il a perdu la deuxième place dans la Power Stage, je pense. Oui, c'était ça le truc. C'est parce qu'en gros, il était déjà déçu. Donc ils ont dit, oui, il était quatrième. Il aurait fini deuxième, c'était bon. Il était plus sur le podium. Ouais, il aurait fini deuxième, il l'aurait laissé, évidemment. Mais je pense que même sur le podium, il l'aurait laissé. Il lui aurait pas enlevé un podium. Adrien Formeau qui, ce week-end, s'est vu gagner à un moment donné. Il avait bien commencé. Il était quand même bien frustré, en tout cas le samedi, quand il arrivait et qu'effectivement il voyait qu'il dégringolait un petit peu. Là où paradoxalement Hyundai a performé le jour où ça a été le plus compliqué. Les conditions étaient difficiles et c'est là que Thierry Neuville, notamment, et lui ont beaucoup performé. Et puis ensuite, quand les conditions se sont un petit peu rendues plus simples, en tout cas plus logiques par rapport à ces conditions au Chili, eh bien là, forcément, Toyota a repris le dessus. Et pour terminer, Mathieu, un petit mot quand même de la deuxième catégorie, le WRC2, oui. Puisque Oliver Solberg a remporté le titre mondial. Bon, malheureusement, ça veut donc dire que Johan Rossell ne l'a pas remporté. Voilà, c'était la lutte entre les deux hommes. Et bien justement, bien aidé par Johan Rossell. Je pense qu'effectivement, Oliver Solberg était favori. Il aurait sans doute remporté cette catégorie à la fin de la saison, mais c'était pas fait. On attendait un duel entre les deux, justement, ce week-end au Chili. Et puis au final, le duel n'a pas eu lieu, puisque là encore, dès le vendredi, bévue de Johan Rossell, qui a eu lui un problème moteur, un problème de fuite d'huile, avec une surchauffe moteur qui l'a lui aussi contraint à abandonner à quelques spéciales de la fin le vendredi. Il a quand même repris la route, il a pour l'honneur réalisé quand même un scratch après avoir repris, bien. Donc c'est quand même beau de sa part, mais effectivement voilà, il était totalement hors course pour le rallye. Victoire logique d'Oliver Solberg qui n'a du coup jamais été inquiété. Il a gagné assez facilement lui aussi, et puis voilà, je dirais que la victoire est méritée, et puis on attend maintenant éventuellement WRC l'année prochaine, même si le marché des transferts va certainement être un sacré chantier. Après, également, on rappelle que techniquement il a déjà gagné un rallye en rallye, c'est ce que j'allais dire. Il termine quand même la saison avec un titre en WRC2 et une victoire en WRC. C'est quand même beau, il a fait une sacrée saison. Le fils, on rappelle bien sûr, de Peter Solberg, le champion du monde 2003, peut-être qu'il pourra donc suivre les traces de son paternel. On rappelle comment ça fonctionne en WRC2, c'est-à-dire qu'il y a donc 14 rallyes dans la saison, mais chaque pilote ne peut en effectuer que 7. Il doit sélectionner 7 rallyes auxquels il va participer et sur lesquels il va pouvoir marquer des points. Et donc Oliver Solberg et Johan Rossell finissaient là leur 7e rallye. C'est ça. Il y a d'autres concurrents qui vont encore faire des rallyes jusqu'à la fin de la saison, mais ils ne vont pas pouvoir marquer assez de points pour revenir sur Solberg. Mais c'est vrai que ça a fait des permutations toujours assez spéciales qui font que Rossell aurait pu passer en tête du championnat, mais ne pas gagner le titre parce qu'il restait encore quelqu'un derrière. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu. Oui, surtout qu'en plus, les pilotes peuvent participer à des rallyes, mais sans marquer de points. Ça, c'est faisable, ça n'est pas en général fait, mais ils peuvent effectivement faire ça aussi pour parfois essayer de mettre la pression sur les autres. Voilà, c'est toujours assez. Mais l'an dernier, on rappelle que Oliver Solberg perd le titre aussi grâce à cause de cette règle. Plutôt, c'était Sami Pajari qui l'avait remporté. Où on avait eu les trois derniers rallyes. En fait, chacun des prétendants titres participait à un rallye et donc avait sa possibilité d'aller chercher le titre. Mais en tout cas, Oliver Solberg, c'est largement mérité pour le Suédois qui remporte donc enfin la couronne en WRC2. Lui qui survole quand même la catégorie. Assez globalement quand il y participe. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé aussi dans le week-end assez rapidement. Allons-y. Et donc ce week-end, Pardon, excusez-moi, Cyprien, ça va ? Bonjour. Ouais, ça a changé. Fait froid visiblement d'un coup au niveau du crâne. Vous l'aurez reconnu, Fabien Gérard qui est avec nous. Comment ça va? Salut Michael, salut Mathieu. Salut à tous, c'est un plaisir de faire partie de cette grande première de l'émission d'Auto Hebdo. Voilà, un plaisir partagé évidemment. On a ramené notre ami Fabien parce qu'il y avait notamment le DTM et du Supercar ce week-end et que nous avons ici le spécialiste tourisme, super tourisme, grand tourisme. Il y a du TCR World Tour aussi. Et du TCR World Tour, tout à fait. Mais ça, ce sera un résultat rapido, ce que nous mettrons à la fin. Absolument. Parce que nous pensons à vous et nous ne voulons pas que l'émission dure 8h50. Nous, on la ferait avec plaisir. Est-ce que vous la suivriez? Ça, je ne suis pas sûr. Mais donc, il y avait du MotoGP ce week-end, messieurs, avec le Grand Prix de Saint-Marin, la victoire de Marc Marquez ce dimanche. Il pourra donc devenir champion du monde au prochain Grand Prix au Japon, s'il marque 3 points de plus que son frère pendant tout le week-end. Ok. Il y a quand même de fortes chances que ça arrive. Il y a moyen que ça se passe. Voilà. Lui qui a chuté samedi, pourtant, Marc Marquez. Et pour vous dire à quel point, quand même, il faut penser avec le système sprint, c'est qu'au moment de la chute de Marc Marquez samedi, si son frère gagnait le sprint, Marquez ne pouvait pas être champion du monde au Japon. D'accord. Alors à noter que Marc Marquez, effectivement, là où, c'est compliqué, hein. Là où il perd des points, des gros points, c'est par rapport aux chutes. Mais c'est vrai que même si le sprint, il tombe, il fait quand même un départ de sprint formidable, avec des dépassements aussi qui sortent du lot, je trouve, à des endroits où normalement c'est pas possible de dépasser ici, il le fait quand même. Donc c'est à noter quand même, voilà, une domination, je pense qu'on en parlera en fin de saison, mais une domination absolue de Marc Marquez. Et au-delà du fait qu'il bénéficie d'une moto véloce et efficace, évidemment, un pilotage formidable de la part de l'Espagnol. Ouais, c'est quand même pas mal quand même qu'un mec comme Marquez, qui semble intouchable cette saison, fasse encore des erreurs. Ça le laisse l'impression qu'il est encore humain et que même si sur la meilleure machine, et malgré cette domination, voilà, il reste fidèle à lui-même d'une certaine manière. Marquez qui va pas goûter le bitume, il va chercher les limites. Voilà, c'est sa manière de trouver les limites de la moto. Donc pour lui, on peut dire qu'un mec qui tombe, c'est un mec qui va vite. C'est vraiment l'expression à utiliser. C'est exactement sa tactique. On rappelle qu'il y a déjà battu le record du nombre de points marqués sur une saison. Alors évidemment, ça ne fait que 2 ans, c'est la 3e saison des sprints, mais bon, ça montre déjà que par rapport à Jorge Martin l'an dernier et Francesco Bagnaia 2 ans, il fait une saison un petit peu plus complète. Je rappelle qu'il y a 6 Grands Prix, donc il lui reste pas mal de possibilités de marquer encore des très gros points. Donc voilà, Marc Marquez. On salue aussi Marco Bezzecchi, hein, très bon deuxième du Grand Prix et vainqueur du sprint depuis la pole position. Il l'a dit, c'était son meilleur week-end tout simplement dans sa carrière. Et il en était très content à domicile, le protégé de Valentino Rossi. En ELMS, il y en avait ce week-end les 4 heures de Silverstone, la victoire pour la numéro 18 de chez Idexport, avec Mathis Jobert, Dani Uncadella et Jamie Chadwick, qui s'est donc imposé à domicile. Elle était très émue d'ailleurs, Jamie Chadwick, de l'avoir remporté en KTO LMP2. Course finalement assez habituelle, hein, pour de l'ELMS. On a eu des incidents, on a eu de la pluie. On rappelle que la course a démarré 1 heure plus tôt, en raison de la pluie. Et je reviendrai là-dessus dans les top flops, vous verrez, mais... Finalement, les choses ne sont pas très bien passées. Il y a eu des mésaventures malgré tout. Voilà, il s'est passé des choses. Avec la pluie en Grande-Bretagne. Mais bon, c'était quand même assez sympa à suivre. Voilà, comme toujours, pas mal de bagarres dans les 3 catégories, que ce soit en MP2, en MP3 ou en GT3. Des petites pénalités aussi. Les Iron Dames aussi, hein, qui ont gagné en Le Mans Cup. Qui l'ont remporté, exactement, ouais, en Le Mans Cup avec Martha Garcia et Evania Hicks. En DTM, et là, je vais me tourner vers Fabien Gérard. Parce que là, autant dire que... On a un spécialiste avec nous, Exactement. Notamment René Rast qui était très bon, hein, ce week-end. Et je suis un spécialiste qui se régale, parce que le DTM, il faut le dire, depuis qu'ils sont passés à la réglementation GT3, ça a été décrié parce qu'on disait « mais non, le DTM c'est un championnat de voitures de tourisme ». Et en fait, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de discuter avec Gerhard Berger, qui fut le grand patron du DTM. Et il m'a dit « non, le DTM c'est un championnat ». Et on change la réglementation. Ils sont passés par les règlements qu'on avait en IMSA dans les années 80. On est passé, bien entendu, on est passé aux voitures qui étaient en 2 litres. Et puis après, il y a eu la catégorie... Les Class 1, effectivement. Voilà, les Class 1. Et là, depuis 4 ans que nous sommes en GT3, il faut reconnaître que les courses sont passionnantes. Le niveau des pilotes, ce sont les meilleurs pilotes au monde que l'on retrouve dans les courses de GT. La balance de performance est plutôt bien faite. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a des courses passionnantes. René Rast, tu l'as cité, remporte la course du samedi. Le triple champion se replace vraiment bien au championnat. Donc attention à René Rast. Moins de bol pour lui. La course du dimanche, il écope de 2 pénalités sur le même arrêt au stand. Il en prend une pour avoir coupé la ligne blanche d'entrée dans les stands et pour son équipe qui lui fait un unsafe release. Donc il termine 13e. Mais René Rast... à l'aube de la finale d'Okenham, hein, la prochaine, le prochain meeting, c'est la finale du DTM. Il est troisième à 11 points du leader. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour lui, sachant qu'on marque 50 points par week-end. C'est tout à fait à la portée de René Rast pour aller pour chercher, pourquoi pas, une quatrième étoile. Jack Aitken, il a beaucoup perdu ce week-end, à savoir qu'il était deuxième de la première course et dans le dernier tour, à 4 virages de la fin, il n'a rien trouvé de mieux qu'à d'aller se mettre dans le mur, tout seul, comme un grand. Ah oui, c'est pas mal. Hein, il était à la lutte avec Whitman, un des pilotes BMW de l'équipe Schubert, le coéquipier de René Rast, donc qui était en tête. Whitman était troisième, en train de mettre la pression sur Aitken, qui aurait pu terminer deuxième. S'il terminait deuxième, il prenait la tête du championnat, 15 points d'avance sur le deuxième, c'était idéal, et il se retrouve à terminer la course dans le mur dimanche. Pour continuer son malheur, qu'est-ce qui lui arrive ? Crevaison dans les premiers tours de course. Ah il termine avant-dernier de la course. Donc, autant vous dire que pour Aitken, maintenant, il est cinquième du championnat, à 21 points du leader. Ça va devenir très compliqué. L'autre garçon pour lequel ça a été très compliqué, c'est Thomas Brenning, le champion 2023, le pilote Porsche, pilote officiel Porsche. Pareil, week-end compliqué. Il termine sixième de la première course, mais pareil, crevaison dans le premier tour de la seconde course. Il se retrouve maintenant sixième à 24 points du leader. Et ce fameux leader, je vais vous le nommer, c'est Lucas Auer, le pilote autrichien, qui, une fois de plus, alors, je vais être un petit peu direct, mais qui a fait l'épicier. Il n'y a pas d'autre mot, mais il est malin, Lucas Auer. C'est comme ça qu'on gagne des championnats. On sait que le circuit de Red Bull Ring, ce n'est pas forcément le circuit le plus adapté pour la Mercedes AMG GT3, qui aime les grands espaces, qui aime vraiment les circuits où on a vraiment possibilité d'avoir des longues lignes droites et où la voiture peut vraiment s'exprimer, dans les virages rapides également. Mais Lucas Auer, il a assuré puisqu'il termine 12e de la première course et 3e de la seconde course, ce qui le replace en tête du championnat, avec certes toute petite avance, je crois qu'il a 7 points d'avance sur Jordan Pepper, le sud-africain qui roule lui sur Lamborghini, 11 points sur René Rast. Donc au total, ils sont 7 à pouvoir jouer le titre lors de la finale d'Hockenheim. Donc ça va être plutôt sympa. Passons très rapidement, mon cher Fabien, du côté de l'Australie. On va faire un petit vol comme ça, puisque les manches enduro débutent, hein, ça y est, du côté c'est du ça, on a fini australien. La saison sprint, qui a été brillamment remportée par Brock Finney. Bien entendu, le titre n'est pas encore attribué, mais à l'aube de cette saison des courses d'endurance, Brock Finney arrivait avec une avance de pratiquement 400 points. On marque une centaine de points par course en supercars en Australie. Donc Brock Finney arrivait largement favori. Il a d'ailleurs signé la pole position, donc c'était un très bon signe pour lui. Il est associé à Jamie Whincup, qui est son patron chez Triple Eight Engineering en Australie. Septuple champion, s'il vous plaît. Donc autant vous dire que c'était l'équipage rockstar de cette course de The Bend, malheureusement. Donc c'est Jamie Whincup qui a pris le départ, très bon départ, construit son avance. On arrive aux premiers arrêts au stand, et la catastrophe pour Triple Eight. Problème au niveau de la pompe à essence, et on n'a pas réussi à mettre la quantité d'essence nécessaire pour pouvoir permettre à Jamie Whincup de terminer son relais. Du coup, il a été obligé de repasser, de remettre de l'essence, ce qui a un petit peu condamné malheureusement la course. L'avance de plus de 300 points s'est réduite à pratiquement de moitié. La course a été remportée par Brody Kostecki et Todd Hazelwood. On a aussi Cameron Waters et la légende Winterbottom qui termine deuxième. Et troisième de cette course, c'est Matt Payne qui est deuxième du classement du championnat avec une autre légende, Garth Stander. Donc ça se resserre en tête. Will Brown, le coéquipier de Finney, termine aussi très bien placé. Donc tout se resserre et la prochaine course, messieurs, c'est la grande messe du Supercars, puisque ce sera les 1000 km de Bathurst début octobre. Voilà, la grande course de la saison, effectivement. On salue également la victoire de Christopher Bell en NASCAR. 3 victoires pour le Joe Gibbs Racing dans cette première phase des playoffs. C'est à Bristol, le TCR World Tour d'Orbert Michelis et Nestor Girolami qui se sont imposés. Et enfin, en F4 France, et ça je sais que Mathieu va être ravi de l'apprendre. Et bien, c'est Arthur d'Horizon, Guillaume Bouzard et Rintaro Sato qui ont remporté les trois courses du week-end. Sans foutre le bordel dans ton conducteur, Michael, juste pour dire que certes, il n'a pas gagné, mais Yann Herlaché repart d'Australie avec 36 points d'avance. Ah, mais ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement, parce que ça va bientôt se terminer aussi, ce TCR World Tour. Il reste trois meetings. Exactement. Donc là, effectivement, on va voir si Yann Herlaché va pouvoir tenir jusqu'au bout. Et maintenant, on va se retrouver pour les tops et les flops. On termine donc chaque émission par nos tops et nos flops, quelques petites choses qu'on voulait un petit peu noter sur le week-end de course précédent. Et Cyprien est de retour parmi nous, donc mes cheveux aussi. Voilà. Il a retrouvé ses cheveux, ça lui fait très plaisir. Quels sont rapidement tes tops, mon cher Cyprien? Alors mes tops, mon premier top c'est Marco Bezzecchi, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Très très bon week-end à Misano, franchement, il l'a dit, le meilleur week-end de sa carrière, une pole, une victoire en sprint, et puis je pense qu'il est passé à ça de gagner le Grand Prix, il est passé à une petite erreur. C'est le seul qui a pu résister face à Marc Marquez, surtout, non, parce surtout, qu'ils ont mis une valise au troisième Alex Marquez. Ouais, mais surtout je pense que s'il ne commet pas cette erreur au moment où Marquez le passe, bon. À mon avis Marquez ne passe jamais. Je pense vraiment qu'il était plus fort et qu'il avait le rythme, enfin que l'Aprilia en tout cas ce week-end avait le rythme pour pas que Marquez puisse passer. Donc c'est un peu dommage, mais d'un autre côté... quand on est Marco Bezzecchi, on peut se satisfaire d'une deuxième place. Et mon deuxième top du week-end, je vais faire un peu écho à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le karting marathon Jules Bianchi. Je voudrais faire un petit top sur l'organisation d'événements de sport auto en France. Alors le karting, c'était génial, évidemment, hyper bien organisé. Mais en parallèle, on avait le Red Bull Motormania à Nevers. Ouais. Franchement, j'aurais bien aimé y être aussi, parce que j'ai vu les images, ça avait l'air très sympa. Super bien organisé évidemment, puis dans deux semaines on a le GP Explorer qui a fait ses preuves sur ses deux premières éditions, qui est très bien organisé, et puis je parle pas après de tout ce qui est course professionnelle, on a quand même les 24 heures du Mans, on a énormément de très belles courses en France, et voilà, je voulais quand même dire un petit mot là-dessus pour dire qu'on est quand même vraiment un pays de sport auto, un pays de passionnés. Et c'est dommage qu'on n'ait pas la catégorie Rennes en France. Et j'allais dire, ouais, il faut toujours espérer ça. J'ai croisé Jean Alesi ce week-end, je lui ai dit alors... ça revient, Paul Ricard? Il m'a dit oui, l'an prochain. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je vous laisse deviner. Il va nous faire avoir des problèmes dès la première émission. Il ne m'a évidemment pas dit ça et je ne lui ai pas demandé. Mais écoute, j'aimerais bien que ça revienne au Paul Ricard, ou que ça revienne à Manicourt, ou que ça revienne peu importe où. Finalement, même cette histoire de circuit urbain dans les rues de Nice, finalement... Et Disneyland de Paris, est-ce qu'on prend Disneyland de Paris? Mais on prend tout. On prend tout. Alors moi, plaisir. J'avoue qu'en bonne auvergnat, je préférais le circuit de Charade. Mais bon. Mathieu, toi, quels sont tes tops du coup? Écoute, comment ne pas parler de Sébastien Ogier? J'enfonce une porte ouverte, mais évidemment, Sébastien Ogier. J'aurais pu citer Elfyn Evans si Sébastien Ogier n'avait pas fait le week-end parfait en réalité. C'est ça. Ça aurait été ça. Mais étant donné qu'il fait 35 sur 35, il assoit vraiment sa domination. On va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment formidable de la part du Français. Il file potentiellement vers un 9e titre, donc c'est absolument formidable. Évidemment, Sébastien Ogier, pilote du week-end pour moi. Par ailleurs, à Silverstone, on a eu aussi du GT3 et la victoire d'Iron Dams, dont tu l'as cité tout à l'heure, avec Marta Garcia et Vanina X. C'est joli parce que c'est vrai qu'on rappelle qu'elles n'avaient pas pu participer pour la manche au Mans. Juste avant les 24 heures, justement, Vanina X qui avait un problème qui fait qu'elles n'ont pas pu participer. Elles ont fait 3e à Spa, donc c'est vraiment une belle saison de leur part et surtout un beau retour, une belle histoire pour le duo féminin. Et puis enfin, eh bien, évidemment, je vais vous parler de F4 France. Vous le savez, ça, c'est étonnant. Ça nous aurait surpris. Alors oui, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, Mathieu, c'est notre spécialiste monoplace. Voilà, hein, et vous le lisez toutes les semaines dans le magazine, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais alors, du coup, il nous parle de catégories, des fois, sombres. Oui, mais je vous fais découvrir des pilotes, en réalité. Ah bah, oui, tu nous fais découvrir des pilotes. Oui, c'est ça, on découvre du monde, Michael, on peut se le dire. Ça, on découvre du pays. Avec un immense plaisir, je le fais. Et je vais vous dire que je vais vous citer tout simplement le leader du championnat. Je ne vais pas prendre beaucoup de risques, mais Alex Munoz, cette saison, qui est effectivement premier, qui a creusé son avance sur Jules Roussel, qui a été un petit peu malchanceux, notamment sous la pluie ce week-end. Mais donc voilà, Alex Munoz qui retire sa voiture qui abandonne, donc effectivement lors de la première des trois courses du week-end, et qui fait deux fois deuxième ensuite, donc c'est un beau comeback de sa part. Il partait en plus depuis le peloton, donc voilà, très beau week-end de la part du jeune Français qui vraisemblablement file vers le titre avant la dernière manche au Mans, bien que Jules Roussel soit encore mathématiquement dans la course. Eh bien moi je vais saluer un jeune pilote débutant qui s'appelle Max Verstappen, qui a passé son permis sur la North Life. Max Verstappen, tu connais peut-être mieux Franz Hermann, qui a mis le pied à l'étrier. Mais voilà, Max Verstappen, en fait je le salue parce qu'il a donc roulé ce week-end au Nürburgring en NLS, et il a passé son permis comme tout le monde doit le faire, donc il a fait ses tours derrière un instructeur qui lui donnait à la radio des indications. On pourrait retrouver ça en long, en large et en travers dans le magazine de la semaine. Et puis ensuite, il a fait la course avec donc une Porsche Cayman GT4, amputée de 130 chevaux par rapport aux adversaires. ça n'a pas empêché de rouler environ 13 ou 14 secondes des tours des pilotes qui avaient justement la puissance maximum. Et il collait une minute au tour environ aux autres en catégorie 300 chevaux, on va dire. Donc voilà, il a son permis, il peut rouler sur un Nürburgring. Prometteur, ce jeune Max Verstappen au final. À suivre, suivre en tout cas pour les 24 heures de Nürburgring l'an prochain, peut-être. Voilà. Peut-être qu'un jour on le verra en Formule 1, je ne sais pas. Peut-être. Lui souhaite. Il pourrait y débarquer, on ne sait pas. Et puis je salue aussi Dexport, donc qui s'est imposé, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, en LMS du côté de Silverstone, parce que voilà, c'est encore une fois les fondations aussi du Genesis Magma Racing qui va débarquer en hypercar l'an prochain. Mmh. Et donc c'est très important. Maintenant, les flops, mon cher Cyprien, c'est toujours moins sympa, mais quels sont-ils? Bah, moi, j'en ai qu'un ce week-end. J'ai été gentil, c'est Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, encore un week-end très compliqué. Ça me fait de la peine de le mettre là parce que. Il est déjà 6 pieds sous terre, je pense, moralement, mais bon, c'était à domicile, on espérait un réveil, on l'a pas eu, on a eu une chute encore au pire moment, donc voilà. Un week-end à oublier pour Bagnaia, et encore une fois, ça fait tâche quand son coéquipier s'impose, et quand son plus proche poursuivant, Marco Bezzecchi, lui reprend beaucoup de points. Donc bon, la fin de saison va être dure pour Pecco. Mathieu. De mon côté, les flops, j'en ai deux, ils paraissent un petit peu durs, mais ils sont les deux du même acabit, en WRC 2, Johan Rossel. Évidemment, flop, non pas par ses performances, mais par le fait qu'on s'attendait à une bataille qui n'a finalement pas eu lieu. Et puis, du côté du MotoGP, bah, je vais citer Juan Zarco, qui est malheureusement, pour les mêmes raisons, même si c'est pas mécanique, mais tombé lors de la course, le Grand Prix, effectivement, du dimanche. Donc, malheureusement, Juan Zarco, qui est dans une mauvaise passe, qui chute beaucoup, qui, depuis son podium, son dernier podium à Silverstone, est beaucoup moins performant. Et donc, malheureusement, Juan Zarco, qui vit une saison en deux temps, et il est dans le mauvais temps, malheureusement, depuis le début de l'été. Il s'est fait sortir par Joan Mir, il l'a expliqué. Voilà. En fait, Mir a chuté à côté de lui, et donc il n'a pas pu. Beau travail d'équipe chez Honda. Il n'a pas pu éviter. Ouais, chez Honda, on fait ça très bien, on fait ça ensemble, c'est plutôt pratique. Moi, c'est deux flopounets, voilà, c'est pas très méchant, vous allez voir, vous avez des petits flopounets comme ça. Fabio Quartararo, ce qui est étonnant, hein, vu la performance qu'il fait ce week-end, avec notamment une première ligne, mais moi, justement, c'est ce côté très négatif qui n'en finit plus, parce que vous allez lire sur autohebdo.fr son débriefing d'après Grand Prix. Rien ne va, il n'est pas content, il n'a pas, au vu des performances d'Augusto Fernandez avec le V4 ce week-end, il n'a pas hâte de piloter lors des tests de lundi, il n'a pas de points positifs à retirer à part la qualif, enfin voilà, je trouve que là il y a quand même un côté très négatif tout le temps qui risque d'être contre-productif, parce qu'il veut réveiller Yamaha, mais ça peut aussi plutôt les endormir et leur dire, bon bah écoute, on en a marre de travailler pour ça. Il parle beaucoup de son avenir en plus, il arrête pas de dire oui, mon avenir du coup, moi si ça marche pas, mon avenir personnel. Ah mais il sait qu'il, voilà, je suis pas sûr que mettre la pression comme ça sur son équipe soit vraiment très correct. En effet. Et puis, un petit flop, donc je l'ai un petit peu évoqué pour le LMS, parce que donc ils ont eu une très très bonne idée, c'est d'avancer le départ de la course à Silverstone une heure plus tôt, puisqu'il y avait de grosses averses qui devaient arriver au moment de l'arrivée prévue justement initialement. Bon, bah dans ce cas-là, effectivement, quand il y a un drapeau rouge à cause d'un accident en piste, c'est dommage de rajouter le temps du drapeau rouge après l'arrivée, puisque du coup, ils ont dû arrêter la course avant le terme, puisqu'il y a eu l'averse qui était prévue de base. Donc voilà. Oh zut! C'est le côté. Qui aurait pu prédire? Et bah, finalement, la météo aurait pu le prédire. Mais voilà, encore une fois, c'est le petit côté. Cocasse plutôt que véritable flop. Vous savez qu'on n'est pas méchant, nous, on n'est pas là pour être méchant. On verra dans les autres émissions. C'est pas le but dans la première émission. Oui, c'est nous. Alors nous sommes nos flops entre nous, bien on sûr. Est méchant entre nous, on est méchants entre nous, ça vous avez pu le remarquer. En tout cas, voilà. Le groupe vit bien. Le groupe vit toujours très bien. N'hésitez pas aussi à nous mettre un vos top, vos flops en commentaire. On veut toujours, bien sûr, savoir ce qu'il en est. Voilà donc pour cette première émission Auto Hebdo. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas évidemment que le magazine sort dans quelques instants en version numérique à partir de 20h tous les lundis. En kiosque le mercredi et en plus en kiosque désormais à partir du 15 septembre, le collector Ferrari que vous avez pu voir dans le fond de l'écran derrière Cyprien pendant la totalité de cette vidéo, il est disponible et duo de légende, on revient sur toute l'histoire de la marque Ferrari, pas qu'en Formule 1 d'ailleurs. Merci Cyprien, merci Mathieu de m'avoir accompagné pour cette première, merci à Fabien qui nous regarde de là où il est, hein, c'est-à-dire juste là, rassurez-vous, hein, il est juste en dehors de l'écran. Il est quand même resté, il a écouté, et ça c'est beau, voilà, on trouve que c'est une belle passion. Merci de nous avoir suivis pour cette première, n'hésitez pas à nous dire tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été, voilà, on prend tous les commentaires bien sûr, et on vous retrouve la semaine prochaine, ciao ciao. Salut. Ciao.